et les murs. Le silence, bien sûr. Perdu. En mes mains, en mon sang, souverain, et puis au nom de tous les miens. Laisse-moi passer les murs, nous ne laisserons aucune trace. J'en suis sûr. Et la claque surprenante qu'on attend en dilettante. Et la claque s'efface. Si facile. Mais en fin de compte, tout s'estompe. Six milliards d'impostures, si peu sûres. Le mensonge à ses murs. Qui se blottir et tambourau, puis martyr. Si je mens, si je dors, si je délire, serre-moi plus fort. Si je mens, si je délire, serre-moi à tort. Les yeux lourds, je doute, le simple souffle m'étouffe, mon corps, mes ombres. Serre-moi force. Si je mens, si je dors, si je délire.